Chapitre 26e, la lettre de Darling. Il tira de sa poche une longue enveloppe et l'attendit à Miss Eden. En tremblant, tout ému subitement, Miss Eden, dont la figure chassant toute tristesse devint rayonnante de joie, saisit cette enveloppe. « Un portrait de Darling ? » s'écria-t-elle. « Votre cœur de mère a parlé, » répondit le visiteur. « Oui, c'est un portrait de Darling fait il y a un mois environ. Vous la voyez comme elle est maintenant, comme je l'ai vue, en bonne santé. » Plus jolie, plus rieuse que jamais, et vous ressemblant de plus en plus. Il est à croire que le ciel qui aime refaire le printemps s'est plu à créer une nouvelle Miss Eden, et a donné à la plus belle femme de l'univers l'enfant le plus beau du monde. Miss Eden s'était emparée du portrait, elle le contemplait avec bonheur, le couvrait de baisers. « ma fille adorée » répétait-elle. Le visiteur laissa Miss Eden suivre l'élan de son cœur maternel, et comme elle allait le remercier de lui procurer ce bonheur, il lui dit « Attendez. Souvent déjà, je vous ai ainsi rapporté l'image de votre fille. C'est vrai, je vous en remercie. Aujourd'hui, non pas à cause de mon rival, dont je ne veux tenir aucun compte, mais pour vous, uniquement pour vous, je veux faire un peu plus. » Il tendit une nouvelle enveloppe à Miss Eden. « Voilà, cher ami, une lettre de votre fille. » Miss Eden tressaillit. Son saisissement était si grand, sa joie si profonde, qu'elle fut un moment sans comprendre qu'il lui sembla que son cœur s'arrêtait. « Une lettre de ma fille, » finit-elle par dire. « Oui, j'ai voulu vous apporter non seulement son visage, mais un peu de son cœur. J'ai voulu en même temps vous montrer que rien n'est négligé pour son éducation et vous donner aussi une preuve nouvelle que ni vous ni Paulin Broquet, vous ne parviendrez à la découvrir. Car jamais vous ne saurez dans quelle contrée elle réside. Elle fait des séjours plus ou moins longs, plus ou moins irréguliers dans tous les pays du monde, surveillés jalousement par les braves gens qui l'élèvent et l'adorent comme leur enfant. Ah, que j'envie leur bonheur. J'ai donc demandé à Darling, puisqu'on ne la connaît que sous ce nom, à Darling de vous écrire, et en même temps, pour vous montrer combien elle était savante, de vous écrire sa lettre en employant les diverses langues qu'elle parle couramment. La lettre comportait trois petits chapitres, trois paragraphes, écrits l'un en français, le second en anglais, le troisième en allemand. Miss Eden, comme un mourant de soif se jette sur un verre d'eau fraîche, se mit à lire cette lettre. « Ma chère maman, disait Darling, je suis heureuse qu'on me permette de vous écrire pour vous dire que si mes yeux ne vous connaissent pas... » Le visiteur interrompit Miss Eden. « Pardon, cher ami, Darling se trompe. Elle ne sait pas, ne se doute pas, mais je dois vous dire que Darling vous a vu. Ma fille m'a vu, elle me connaît. Oui, mais sans savoir qui vous êtes, sans savoir que vous êtes sa mère. » Souvent, bien souvent même, elle vous applaudit au cirque. Miss Eden tressaillit. Et moi, je ne l'ai pas aperçue, pas vue, pas reconnue. Non, c'est impossible, dans la foule, dans le public. Vous ne pouvez reconnaître Darling. Mais continuez votre lecture. Miss Eden reprit. Si mes yeux ne vous connaissent pas, mon cœur vous aime quand même bien tendrement. Grand-père et grand-mère, ce sont ses parents nourriciers. Me disent que je vous verrai peut-être bientôt, et cet espoir est la joie de ma vie. Je confie à ce papier toute ma tendresse pour vous et vous envoie le plus fort baiser de mon âme. » Miss Eden relut encore cette lettre toute courte, toute brève, mais qui pour son cœur de mère était grande, immense, comme un monde et rayonnante de clarté comme un ciel de printemps. « Ce n'est pas tout, » dit le visiteur en tendant à Miss Eden une autre enveloppe qu'une faveur mauve retenait. « Voici quelques photos faites par Darling du jardin où elle joue, le portrait du chien qui la garde, de son poney car elle monte à cheval, comme une vraie fille de cow-boy. Elle vous envoie tout cela pour que vous connaissiez le cadre de sa vie, ses compagnons, ses amis. Elle a ajouté quelques aquarelles, car elle est artiste aussi. Elle peint très adroitement, et commence à interpréter sur le piano les plus belles pages des maîtres musiciens. Vous pourrez, tout autant qu'en lisant sa lettre, retrouver dans ses peintures un peu de sa pensée et beaucoup de son âme. Émue, Miss Eden, d'un geste spontané, tendit la main à cet homme. « Je vous remercie. » « Je vous remercie infiniment, » lui dit-elle. Le visiteur prit cette main. Dans les yeux, il y eut un éclair de joie, de triomphe. Mais aussitôt, il se baissa sur la main de Miss Eden, et comme tout à l'heure l'avait fait Paulin Broquet, à la même place, il embrassa respectueusement les doigts. Miss Eden retira sa main. Elle s'apprêtait à défaire la faveur mauve qui retenait l'enveloppe contenant tous ses trésors artistiques, mais le visiteur brusquement l'arrêta. « Attendez, » fit-il vivement à voix basse, « attendez. » Il écouta. « Quelqu'un est là, tout près. Mon métis, peut-être. Non, vous l'avez renvoyé. Big, le nègre, il est aux machines. Alors c'est... C'est un soupçon traversa l'esprit de Miss Eden. Non, non. Non, ce n'est pas non plus Paulin Broquet qui est revenu. Alors qui est-ce? Zygomar. Miss Eden s'écria. Zygomar? Le visiteur vivement lui prit la main. Taisez-vous, silence. Il la conduisit jusqu'à la bergère. Asseyez-vous, ne bougez pas, laissez-moi faire. Il sortit vivement du boudoir et passa dans la pièce où tout à l'heure Paulin Broquet était entré quand il courait après cet inconnu dont il avait deviné la présence. Alors Miss Eden entendit des pas précipités, le fracas de meubles renversés dans une poursuite folle, puis le bruit d'une lutte, des jurons, des cris de rage, un hurlement de douleur aussitôt étouffé. Et au bout d'un moment, la portière du boudoir se souleva. Le visiteur apparut. Mais sur son visage, il avait plaqué un loup de velours noir qui laissait passer la lueur étrange de ses yeux phosphorescents, et sous la moustache que le masque atteignait à peine, la clarté de ses dents de loup. Sur l'épaule, il portait comme un fardeau pour lui léger en apparence un homme enveloppé dans une grande cagoule de caoutchouc. Cet homme, qui se débattait comme un forcené, était fortement ligoté par une longue ceinture de soie roulée, mince, solide, formant le meilleur et le plus sûr des liens. La ceinture s'enroulait, se croisant comme un large ruban autour d'un paquet énorme. Elle s'étalait, bien serrée sur la tête du prisonnier, dont on devinait la forme sous la cagoule. Elle lui couvrait la bouche, l'empêchait de crier, de parler, mais devait l'étouffer. Puis elle descendait au milieu du corps, attachait les bras au thorax, et finissait en tenant dans un nœud coulant les pieds, qui, en se débattant, s'entravaient davantage. « Voilà Zygomar !» fit-il.